qui sont ces gens qui se montrent indécents, qui s'embrassent en public. Moi je suis seul au monde, je n'ai pas de Joconde pour faire les romantiques. Dis quelle est cette ville aux éternelles idylles, j'ai oublié son nom. En connais-tu la route et le prix que ça coûte d'aimer à perdre raison? Dis-moi qui sont ces gens qui promènent en semant la grâce derrière eux, rendant plus beau le monde, qui emporte à la tombe leur amour avec eux. Connais-tu leur chemin, le secret qui les tient à la bonne fortune? Moi je n'ai que mes mains pour abriter chagrin quand eux ils ont la lune. Dis-moi qui sont ces gens qui abritent éclatants leurs yeux de trop d'orage. Dis-moi qui sont ces dieux qui des foudres et des siens savent faire bon usage et rester hors du temps quand nous autres n'avons que l'hiver pour pâturage. Pour nos tristes pigeons qui sans destination nous renvoient nos messages. Dis-moi qui sont ces gens qui rient comme des enfants, qui se donnent la réplique, celle des Roméo, des Tristan, des Rimbaud, celle des grands de musique. Moi je n'ai que moi-même pour montrer de mon cœur sa nature impudique. Qui sont ces bourreaux qui me tuent sans un mot de leurs yeux magnifiques? Dis qui sont ces bourreaux qui me tuent sans un mot de leurs yeux magnifiques?